On a vu des choses sur ce terrain. De quoi être dégoûté, terre à terre, ce milieu te fait connaître le dégoût de l'être humain. Tout ce qu'on a en commun, c'est buts par centaines. Celles qui veulent ton argent, ta piole et tes foutaises. Ici tu perds, souvent, trop souvent. Et pourtant, qui hésiterait si c'était à refaire? On reprendrait les mêmes têtes pour régler les mêmes dettes. Affronterait les mêmes défaites. On kifferait les mêmes œuvres, écrirait la même histoire. Tout ce qu'on a perdu aujourd'hui fait notre gloire. Les bons photos se bissent, salient l'esprit. Les blocs, les espèces, la police t'endurcit la vie. Les étudiants cramaient, à cette époque les diplômes avaient beaucoup moins d'importance que la survie. S'ensuit une vie au jour le jour, voire de l'heure à l'heure. Comprends mieux pourquoi les écoliers deviennent dealers. On sacrifie tout, tout, oui, tout ce qu'on peut. Mais au final, tout ce qui part, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Cette musique de rue, rue est vers la musique. Y'a deux, trois règles à respecter avant de plomber l'usine. Tout notre vécu, tout notre passé. Tous les frères sans qui rien de tout ça ne serait passé. À tous les disparus, tous les mecs qui s'attendent au pire. Qui savent reconstruire sans ne rien dire. Sans ces sacrifices, ce qu'on sacrifie. Pour les artifices, citoyens pour te faire canner ou planer. Ils ont la marchandise. Qu'est-ce qu'une vie sans ses sacrifices? Regarde ce qu'on sacrifie. Pour les artifices, citoyens pour faire planer ou canner. Ils sont la marchandise. J'ai 15 piges. Tout débute quand j'ai su que chaque humain est une potentielle pute. La rue les enfante, les allait au vice. En son sein les dévie. Devine ce qui motive, ce que seul le fric ravit. Et presque chaque chose que j'ai vue dans ma putain de vie était un poison pour la rétine. Allie dans les rues de la ville. Et ceux qui souffrent ou m'en veulent, je m'en fous. Même si on est plein à prendre ces putains de fous. J'ai 20 piges, biceps et cuisses surdéveloppés. Musclés dalleux venus d'un bled sous-développé. Je suis un homme d'instinct au destin mesquin. Cherche le remède au budget restreint. Le succès hautain, fuck le succès, c'est mettre ce succès, obéissent quand on leur ordonne, suce ces putains. J'ai voulu le butin, j'ai pris mes couilles, saisi ma vie à pleine main, gâté mes semelles sur le bitume. Chemin tortueux, esprit tordu, la rue t'habitue à la torture. Le fait de laisser des plumes a marqué ma plume. Parfois le parabellum a fait que les ennemis ne dérangent plus. À quel prix fait-on prendre le pli? Quel est le cours du plomb? Je ne me rappelle plus. Fuck, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'une vie sans ses sacrifices? Regarde ce qu'on sacrifie. Pour les artifices, citoyens pour faire planer ou canner. Ils ont la marchandise. Qu'est-ce qu'une vie sans ses sacrifices? Regarde ce qu'on sacrifie. Pour les artifices, citoyens pour te faire canner ou planer. Ils ont la marchandise. Ils ont la marchandise.